c'est sur les rêves égarés, courir en vain vers l'espoir échappé. Et je réalise qu'assassiné par le temps, les pensées écoulées s'enfoncent dans le néant. Que je t'écris, j'ai déjà mis un pied au paradis. Je quitte la terre pour l'éternelle nuit. Je t'aime toujours, mais la source est tarie. Sur mon lit d'amertume, je revois ma vie, perdant la clé dans un flou d'amnésie. Rien comprendre à l'enfant insouciant, maintenant perdu derrière ses cheveux blancs. C'est l'émaillé que je t'écris, j'ai déjà mis un pied au paradis. Je quitte la terre pour l'éternelle nuit, je t'aime toujours, mais la source est tarie. Je quitte mon cœur et mon âme et la vie. Je crains le pire, c'est qu'un jour on m'oublie. Où est le ciel espéré qu'on m'avait promis? Les yeux bandés, je ne vois que la nuit. Que je t'écris, j'ai déjà mis un pied au paradis. Je quitte la terre pour l'éternelle nuit. Je t'aime toujours, mais la source est aride.